33. Conversation. Écoutez. 1. Marie est seule. Jacques n'est pas là. 2. Marie voudrait que Jacques soit là. 3. Pierre fait un numéro de téléphone. C'est occupé. 4. Pierre voudrait que ce ne soit pas occupé. 5. La voiture de Monsieur Passot ne démarre pas ce matin. 6. Monsieur Passot voudrait que sa voiture démarre. 7. Paul n'apprend pas ses leçons, il écoute des disques. 8. Sa mère voudrait qu'il apprenne ses leçons. Répétez. 9. Marie est seule. Jacques n'est pas là. 10. Marie voudrait que Jacques soit là. 11. Pierre fait un numéro de téléphone. C'est occupé. 12. Pierre voudrait que ce ne soit pas occupé. 13. La voiture de Monsieur Passot ne démarre pas ce matin. 14. Monsieur Passot voudrait que sa voiture démarre. 15. Paul n'apprend pas ses leçons, il écoute des disques. 16. Sa mère voudrait qu'il apprenne ses leçons. Répondez, répétez. 17. Marie est-elle seule? 18. Oui, Marie est seule. Jacques n'est pas là. 19. Que désire-t-elle? 20. Elle voudrait que Jacques soit là. 21. Que fait Pierre? 22. Il fait un numéro de téléphone. C'est occupé. 23. Que désire-t-il? 24. Il voudrait que ce ne soit pas occupé. 25. Que se passe-t-il? 26. La voiture de Monsieur Passot ne démarre pas ce matin. 27. Que désire Monsieur Passot? 28. Monsieur Passot voudrait que sa voiture démarre. 29. Que fait Paul? 30. Paul n'apprend pas ses leçons, il écoute des disques. 31. Que désire sa mère? 32. Sa mère voudrait qu'il apprenne ses leçons. Écoutez. 33. Antoine est toujours fauché. 34. Que peut-on faire pour lui? 35. Il faudrait que nous lui trouvions un travail. 36. Marie s'ennuie. 37. Que peut-on faire pour elle? 38. Il faudrait que nous l'emmenions en week-end. 39. Laetitia est très fatiguée. 40. Que pouvons-nous faire pour elle? 41. Il faudrait que vous l'aidiez un peu. 42. La voiture de papa ne démarre pas. 43. Que pouvons-nous faire pour lui? 44. Il faudrait que vous alliez chercher le garagiste. Répétez. 45. Antoine est toujours fauché. 46. Que peut-on faire pour lui? 47. Il faudrait que nous lui trouvions un travail. 48. Marie s'ennuie. 49. Que peut-on faire pour elle? 50. Il faudrait que nous l'emmenions en week-end. 51. Laetitia est très fatiguée. 52. Que pouvons-nous faire pour elle? 53. Il faudrait que vous l'aidiez un peu. 54. La voiture de papa ne démarre pas. 55. Que pouvons-nous faire pour lui? 56. Il faudrait que vous alliez chercher le garagiste. Répondez, répétez. 57. Antoine a-t-il de l'argent? 58. Non, il est toujours fauché. 59. Que peut-on faire pour lui? 60. Il faudrait que nous lui trouvions un travail. 61. Comment va Marie? 62. Marie s'ennuie. 63. Que peut-on faire pour elle? 64. Il faudrait que nous l'emmenions en week-end. 65. Comment va Laetitia? 66. Laetitia est très fatiguée. 67. Que pouvons-nous faire pour elle? 68. Il faudrait que vous l'aidiez un peu. 69. Que se passe-t-il? 70. La voiture de papa ne démarre pas. 71. Que pouvons-nous faire pour lui? 72. Il faudrait que vous alliez chercher le garagiste. Écoutez. Es-tu libre samedi et dimanche? Oui, je n'ai rien de prévu. Nous allons à la Plagne. Viens-tu avec nous? Oui, c'est une bonne idée. Je viens volontiers. Peux-tu emmener ta guitare? Oui, bien sûr, je peux l'emmener. Mais elle va nous encombrer. Répétez. 73. Es-tu libre samedi et dimanche? 74. Oui, je n'ai rien de prévu. 75. Nous allons à la Plagne. Viens-tu avec nous? 76. Oui, c'est une bonne idée. Je viens volontiers. 77. Peux-tu emmener ta guitare? 78. Oui, bien sûr, je peux l'emmener. Mais elle va nous encombrer. Écoutez. Par hasard, serais-tu libre samedi et dimanche? Oui, je n'ai rien de prévu. Ah bon, tant mieux. J'avais peur que tu ne sois déjà pris. Non, tu vois, pour une fois, je suis libre. Nous allons à la Plagne. Viendrais-tu avec nous? Je viendrai volontiers. Mais je ne sais pas skier. Tu pourrais apprendre. Oui, je pourrais apprendre. Mais j'ai peur de me casser une jambe. Allez, ne fais pas de manière. Tu pourrais emmener ta guitare. Oui, bien sûr. Je pourrais l'emmener. Mais elle va nous encombrer. Répétez. 79. Par hasard, serais-tu libre samedi et dimanche? 80. Oui, je n'ai rien de prévu. 81. Ah bon, tant mieux. J'avais peur que tu ne sois déjà pris. 82. Non, tu vois, pour une fois, je suis libre. 83. Nous allons à la Plagne. Viendrais-tu avec nous? 84. Je viendrai volontiers. Mais je ne sais pas skier. 85. Tu pourrais apprendre. 86. Oui, je pourrais apprendre. Mais j'ai peur de me casser une jambe. 87. Allez, ne fais pas de manière. Tu pourrais emmener ta guitare. 88. Oui, bien sûr. Je pourrais l'emmener. Mais elle va nous encombrer. 89. Répondez, répétez. 89. Es-tu libre samedi et dimanche? 90. Oui, je n'ai rien de prévu. 91. Nous allons à la Plagne. Viens-tu avec nous? 92. Oui, c'est une bonne idée. Je viens volontiers. 93. Peux-tu emmener ta guitare? 94. Oui, bien sûr, je peux l'emmener. Mais elle va nous encombrer. 95. Par hasard, serais-tu libre samedi et dimanche ? 96. Oui, je n'ai rien de prévu. 97. Ah bon, tant mieux. J'avais peur que tu ne sois déjà pris. 98. Non, tu vois, pour une fois, je suis libre. 99. Nous allons à la Plagne. Viendrais-tu avec nous ? 100. Je viendrai volontiers, mais je ne sais pas ce qui y est. 101. Tu pourrais apprendre. 102. Oui, je pourrais apprendre, mais j'ai peur de me casser une jambe. 103. Allez, ne fais pas de manière. Tu pourrais emmener ta guitare. 104. Oui, bien sûr. Je pourrais l'emmener, mais elle va nous encombrer.